Je l'ai cherché dans les bras des autres femmes. Je l'ai trouvé dans les bras d'une héroïne. J'ai fait son lit encore chaud d'une autre flamme. Et j'ai souri pour éviter bien des drames. Je lui ai permis de m'empêcher de dormir. Je lui ai donné le pouvoir de me trahir. Je m'entêtais à le vouloir autrement. Je me disais, il est si beau en dedans. J'ai excusé ces relents d'adolescence sous l'oreiller. J'ai caché ma complaisance. J'ai acheté son amour sans la tendresse. J'ai vendu mon cul et ses caresses. Pendant ce temps, je croyais au bon Dieu, mais je savais que le diable avait saisi. Je n'avais rien à faire avec lui. Et quand il m'ouvrait les bras, il m'ouvrait les veines à chaque fois. Je l'ai senti comme lorsqu'on sent le danger un soir sans lune, quand quelqu'un va nous croiser. Je l'ai suivi dans des ruelles obscures pour voir jusqu'où allait ma démesure. Je lui ai servi d'appât et de femme à tout faire. Et j'ai hurlé son nom aux portes de l'enfer. Et pendant ce temps, je croyais au bon Dieu, mais je savais que le diable avait ses yeux. Je l'aimais comme on désire la mort, comme la victime aime son bourreau. Juste avant d'offrir son cou au couteau, je l'aimais comme s'il était trop tard, comme si c'était pour la dernière fois, comme s'il n'y avait plus personne après toi. Et pendant ce temps, je croyais au bon Dieu, mais je savais que le diable avait ses yeux. Le diable avait ses yeux. Le diable avait ses yeux.